briser les normes. Ce monde nous pousse à rester sages. Pour briller, faut du courage. Changer les règles, tourner la page, c'est ainsi qu'on écrit l'ouvrage. On n'atteindra jamais le sommet sans bousculer un peu les lois. Il faut oser, il faut tenter. Sortir des sentiers, faire le bon choix. Les rêves naissent dans le tumulte, les idées folles, les révoltes. C'est en brisant les vieux cultes qu'on trouve enfin notre envol. On n'atteindra jamais le sommet sans bousculer un peu les lois. Il faut oser, il faut tenter, sortir des sentiers, faire le bon choix. Ne crains pas de faire des vagues, c'est dans la tempête qu'on navigue. Les étoiles brillent dans la nuit, c'est en osant qu'on s'épanouit. Brisons les normes, faisons du bruit. Osons rêver, changeons la nuit. C'est en défiant qu'on s'épanouit. Ensemble, on crée notre harmonie. Les chemins tracés sont trop étroits pour ceux qui rêvent de grands exploits. Il faut parfois briser les toits pour voir le ciel ouvrir ses bras. Ouvrir ses bras. Brisons les normes, faisons du bruit. Osons rêver, changeons la nuit. C'est en défiant qu'on s'épanouit. Ensemble, on crée notre harmonie. Les barrières sont faites pour sauter. Les murs pour être démantelés. En osant tout renverser, que peut enfin se libérer. Brisons les chaînes, faisons des miracles, comme les comètes dans le ciel. Brisons les codes, changeons le logiciel, comme les soleils dans l'univers éternel. Les règles, faisons des vagues comme des tempêtes dans la mer. Osons rêver, changeons les balises. Ensemble, on crée notre lumière. On n'atteindra jamais le sommet sans bousculer un peu les lois. Il faut oser, il faut tenter, sortir des sentiers, faire le bon choix. Bon choix.